Pardonnez mes bien chers amis mon oubli. Pardonnez avec bonne humeur aux chasseurs. Rien ne compte plus quant à la chasse, je poursuis le lièvre fourbu que je tiens au bout du fusil. Le braconnier, c'est mon destin, l'emportant moi sur le mondain. J'en conviens, mais je n'y peux rien. Tant que le printemps, l'été, l'automne et les autans feront sur moi sonner gaiement le cours du temps. Le cœur battant, ivre et content le long des bois et des étangs au gré du vent. J'irai chantant l'hymne éclatant de la nature où chaque instant ravit mon être palpitant. Le ciel inconstant, l'air excitant et mes 20 ans, voilà ce que j'aime. Salon l'horizon. Quel bonheur plus grand que d'écouter chanter le vent. Mon meilleur ami, c'est mon bon chien doux et soumis. Constatez-le sans vous fâcher, je suis un ours très mal léché. J'en conviens, mais je n'y peux rien. Tant que le printemps, l'été, l'automne et les autans feront sur moi sonner gaiement le cours du temps. Le cœur battant, libre et content le long des bois et des étangs au gré du vent. J'irai chantant l'hymne éclatant de la nature, chacun s'en ravit mon être palpitant. Le ciel inconstant, l'air excitant et mes 20 ans.